cerveau, j'ai pas de talent, je suis pas un beau. Mais à tes yeux, moi je suis tout, c'est tout ce que je veux, et jusqu'au bout, tu me feras voir les étoiles, un peu de blabla, et je m'emballe. Mais y'a toujours Bernard à la télé, et David Guetta à la radio. C'est donc que ce monde n'est pas parfait, qui est rempli d'un tas de gens idiots. Je fais pas semblant, j'ai plein de défauts, je veux des enfants, je suis parano, je suis souvent seul, je sais pas pourquoi, mais je ferme ma gueule, j'attends sur toi, même si les autres me laissent de côté, moi je me vote sur tes souliers. Toujours Bernard à la télé, et David Guetta à la radio. C'est donc que ce monde n'est pas parfait, qu'il est rempli d'un tas de gens idiots. Up.